Du 2 au 8 août, voyons. Lettre des téléspectateurs. Ah, voilà le résumé des émissions. Télé 7 jours vous annonce. Première chaîne. La première chaîne est en couleur, n'est-ce pas? Non, elle est en noir et blanc. C'est la deuxième chaîne qui est en couleur. Samedi. Télévision éducative pour les adultes. Allemand, anglais, mathématiques. Non, merci. Sautez, nous sommes dimanche. Il est grand temps de demander au patron d'allumer le poste. Monsieur Lanvin, vous voulez bien mettre la télé? Oui, mais elle ne marche pas bien en ce moment. Je vais essayer, si vous voulez. Il faut attendre un peu. Ça chauffe. Nous vous invitons maintenant à assister au match de football qui va opposer le Red Star aux Girondins, en direct du Parc des Princes.